La chronique bien-être. On retrouve Antoine Joulin, sophrologue, pour le tout premier numéro de la chronique bien-être. Bonjour Antoine. Bonjour Marlène. Alors de quoi allons-nous parler dans cette première chronique bien-être ? Alors aujourd'hui, on va parler des hormones. Très bien. Alors les hormones, ce sont comme des petits messagers qu'on a dans notre corps et qui régit tout le corps humain depuis notre naissance. Et donc en fait, ils fonctionnent tout simplement comme des petits messagers qui sortent de notre système endocrinien. Alors qu'est-ce que c'est le système endocrinien ? Ce sont comme des glandes qui sont situées dans différentes parties de notre corps, comme le cerveau, les reins, la thyroïde, les ovaires, etc., etc. Il y en a plein d'autres, et voilà. Donc les hormones se baladent partout. Exactement, ils passent par notre sang et ils viennent alimenter nos organes et ils viennent surtout les régir. Donc c'est-à-dire qu'ils vont être un peu les maîtres d'orchestre de tout notre corps. Et on les oublie un peu trop ces hormones, on en entend parler, mais on ne sait pas trop quoi. En fin de compte, il y a différentes hormones. Par exemple, on entend souvent parler du cortisol. Qu'est-ce que c'est le cortisol ? Le cortisol, c'est une hormone, une des plus importantes de notre organisme, parce que c'est une hormone primaire qui a été fabriquée depuis le début de notre naissance. Donc le cortisol, au départ, il était dans notre cerveau primaire pour tout simplement éveiller l'instinct chez nous de fuite ou de combat. Il va aussi activer l'adrénaline, justement, pour bouger vite, dilater nos pupilles, mettre nos muscles en action pour justement fuir quand sûrement on devait se faire poursuivre par des dinosaures ou ce genre de choses. Mais maintenant, elle est surtout là pour nous réveiller le matin. Tout simplement, quand on se réveille le matin, on a un excès de cortisol qui fait qu'on va pouvoir être actif. Le problème, c'est que ce cortisol, à trop grosse dose, il abîme les organes au lieu de les mettre en action. Il va abîmer les organes quand on est en situation de stress. Le stress va apporter du cortisol, et plus il y a de cortisol, plus on va être dans une situation stressée par nos organes. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc il faut absolument contrôler ce cortisol, et pour ça, il y a des petites choses à faire. Le cortisol, quand il devient trop important, il se transforme un peu en Dark Vador ou Hannibal Lecter des organes. Ah ouais, à ce point. Exactement. Il va vraiment abîmer tous nos tissus et on va avoir, vous savez, cette sensation d'électricité un peu en nous. Quand on est chafouin ou malheureux, on a cette sensation de tension. De tension, exactement. Tension électrique, j'ai envie de dire. Comme ça, ça résume bien. On ne sait pas pourquoi, mais on a une électricité au niveau de l'estomac ou du diaphragme. Mais ce n'est pas vraiment l'estomac, c'est le pancréas qui est en train de produire un excès de cortisol et qui commence à attaquer le foie, par exemple. Donc après, on va utiliser nous-mêmes par les outils du bien-être, mais aussi tout simplement en faisant des choses au quotidien qui vont nous aider, comme bien manger, équilibrer, bien dormir, et tout simplement avoir une activité simple comme se balader au soleil, faire des jeux avec ses enfants, et voilà. Il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au quotidien qui sont tout simples. Mais aussi, on va aller vers des centres de relaxation, faire du yoga, et mettre en place quelques petites séries de respiration, voilà. Et alors Antoine, comment est-ce qu'on peut contrebalancer les effets de ce cortisol qui du coup est néfaste ? Oui, il est néfaste à haute dose. Je répète parce qu'on pourrait croire que je peux dire que le cortisol c'est pas bon, etc. Mais toutes les hormones sont bonnes dans notre corps. Comme on dit, tout est bon dans la vie, mais la dose est poison. Donc là en fait, on va pouvoir créer une autre hormone, une hormone que tout le monde connaît sous l'hormone du bonheur. Voilà, Mathieu Ricard en parlerait grandement et longtemps. En fait, cette hormone du bonheur, elle s'appelle la sérotonine. Et elle se fabrique essentiellement dans notre intestin. Comme on a pu déjà entendre, dans l'intestin, il y a un système comme de neurones, et il y a aussi des systèmes de transmission avec des protéines, etc. Mais elle se fabrique que en mangeant, et en mangeant équilibré. Donc elle est favorisée surtout par la protéine, des œufs, de certaines viandes blanches, mais aussi des fruits à coque, et beaucoup plus avec des fruits à coque. Et ce qui est génial, c'est qu'elle est aussi sécrétée naturellement avec le chocolat noir. Mm-hmm. Et ça, on aime bien. On aime bien aussi à Radioactive les amandes et le chocolat. Et ben voilà, c'est un peu le duo gagnant, le chocolat noir et les amandes, et les deux mélangés. Voilà. Évidemment, il faut éviter l'excès de sucre qui, par contre, va contrebalancer et éliminer la sérotonine. D'où le fait de diminuer le sucre dans son alimentation. Donc cette sérotonine, elle va agir comme notre Luke Skywalker pour combattre nos Dark Vador, et elle va réguler le taux de cortisol qui va devenir beaucoup plus normal pour notre corps, si on peut dire comme ça, et favoriser après l'équilibre. Voilà, en bien-être, on cherche l'équilibre, l'harmonie entre le psyché, le physique et l'esprit. Voilà. Après, il y a une autre hormone qu'on peut parler, qui est super intéressante. Je dirais bien que c'est mon hormone préférée, c'est l'ocytocine. En effet, c'est l'hormone de l'empathie, de l'amour, le grand amour entre le couple, mais aussi l'amour du père, d'une mère avec ses enfants. Mais on peut l'avoir aussi entre amis. Déjà, premièrement, on peut activer cette ocytocine en ayant des activités, on va dire, sociales, c'est-à-dire passer du bon temps avec les amis, rire, rigoler. Et après, le câlin. Le câlin, voilà, même le câlin entre amis, juste une bonne empoignade. Et ça, ça développe l'ocytocine. Cette ocytocine, elle va libérer tout notre corps de beaucoup de stress et apporter un empathie assez grand. Et voilà, cette sensation d'amour et de... De sérénité, de plénitude, on imagine, hein, tout ce qui peut apporter de la joie. Exactement. Donc j'appuie vraiment sur le fait que toutes les hormones sont bonnes dans le corps et que pour ça, il faut une bonne hygiène de vie. Et surtout se faire plaisir, voilà. Et voir partager. Ses amis. Exactement, voir ses amis, bien manger avec eux, et après bien dormir. Ok, bah merci pour ces explications théoriques pour cette première partie de Chronique du bien-être, Antoine. Je crois que tu as prévu de nous proposer une petite séance. Oui, on va pouvoir passer à une séance de relaxation, tout simplement sur notre chaise ou dans notre fauteuil. Chez nous, tranquillement, devant la télé, mais on éteint sa télé si possible pour pas être parasité. Dans notre voiture, c'est possible, bien sûr à l'arrêt. Ne fais pas de ça en conduisant, car on va devoir fermer les yeux. Ça serait l'idéal. Marlène, tu te prêtes au jeu ? Allez, car... c'est parti. Vous allez pouvoir déjà vous mettre droit sur votre fauteuil, sur votre tabouret ou sur votre siège de voiture. Ceux qui ne peuvent pas être assis, vous pouvez rester debout. Vous allez pouvoir fermer les yeux, relâcher les épaules, mettre les mains sur vos cuisses pour bien sentir le contact des cuisses sur les mains. Et on appelle ça prendre contact avec son corps. On va pouvoir se concentrer sur sa respiration. La respiration va se baser qu'au niveau du nez. On inspire par le nez. Et on expire par le nez, sans forcer, juste écouter son souffle. Vous continuez à écouter votre souffle, mais petit à petit, vous relâchez chaque muscle tout en restant droit. On libère les tensions des trapèzes, des épaules, du cou. La mâchoire se relâche. Mais on continue à rester concentré sur la respiration de son nez. Les yeux peuvent vaciller derrière les paupières, on laisse faire. La langue se repose petit à petit sur nos dents. Et on continue à relâcher tout en étant bien droit. Le ventre peut se mettre à gargouiller, c'est normal, on laisse faire. On est juste à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps et on relâche petit à petit les tensions de notre corps. On fait vertèbre par vertèbre, de la nuque jusqu'en bas du dos. On ressent l'appui de nos cuisses sur le siège, les mains sur nos cuisses et les épaules qui peuvent s'enfoncer de plus en plus vers le siège. On va pouvoir maintenant inspirer un peu plus par le nez, tout en gonflant son ventre à l'inspire et à l'expire par le nez aussi. On rentrera son ventre. Quand vous êtes prêt, on inspire par le nez. Et quand vous êtes prêt à votre rythme, vous expirez pareil par le nez en rentrant le ventre. Vous le faites trois fois comme ça, à votre rythme. Ne pensez qu'à ça, qu'à votre souffle. Inspire par le nez. Expire par le nez. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir mettre vos deux mains l'une contre l'autre. Et si vous pouvez... C'est essayer de mettre les bras au-dessus de la tête à l'inspire Et à l'expire, vous revenez exactement dans la même position, les mains entre les jambes. Quand on inspire, les bras au-dessus de la tête, on essaye d'étirer la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, on revient toujours dans sa position initiale, en rentrant le ventre. Une fois que c'est fait, on remet les mains sur les cuisses et on écoute tout simplement ce qui se passe dans notre corps. Et on se refocalise sur l'inspiration au niveau des narines. On recommence une fois, les bras au-dessus de la tête à l'inspire. La poitrine vers l'avant. Et on revient les mains sur les cuisses, tout doucement. On relâche, on se reconcentre sur l'inspiration de nos narines. On revient dans sa posture initiale, c'est-à-dire de détente. On va bientôt pouvoir maintenant passer, se mettre contre le dossier, si on peut, dans une posture un petit peu plus détente, pour pouvoir faire une visualisation, ce qu'on appelle une projection mentale. Vous restez concentré sur votre narine. Inspire, je gonfle le ventre, expire, je rentre le ventre sans forcer. Maintenant, vous allez vous imaginer comme derrière vos yeux, tout est noir, tout est sombre. Il n'y a que ce qu'on pense, mais on ne s'identifie pas à nos pensées. On les laisse passer, comme un train. Et on s'éloigne de plus en plus de ce train, tout en restant concentré sur l'inspiration, l'expiration. Apprendre à avoir du recul sur nos pensées, toutes les pensées. C'est pas le reflet de nous-mêmes, c'est juste des projections. Maintenant, vous allez pouvoir vous imaginer dans une forêt que vous connaissez bien, une forêt où vous vous sentez à l'aise. Une forêt, un jour d'automne ou un jour de printemps, où il fait beau, tous les arbres sont verts, jaunes, rouges, comme vous voulez, ce que vous trouvez le plus beau. Vous pouvez marcher dans cette forêt tout en étant détendu comme vous avez installé là. Il y a la rosée un peu partout, le bruissement des feuilles. Et ici, rien ne peut vous atteindre, ce n'est pas possible, car c'est vous qui décidez. C'est vous qui fabriquez les arbres, c'est vous qui fabriquez votre forêt. Vous devez arriver à sentir les odeurs de cette forêt. Vous pouvez même inspirer ces odeurs de la forêt. Vous êtes ici dans votre forêt et vous êtes en toute sérénité. Vous êtes calme, vous êtes paisible, serein. Et au moment où vous êtes le plus serein, vous prenez une grande inspiration par le nez. Et vous expirez toute cette sérénité dans tout votre corps. Vous patientez un petit peu, vous regardez encore dans votre forêt. Ça vous donne le sourire. Tout est encore plus paisible. Vous pouvez réinspirer profondément par le nez. expirez cette sérénité, encore une fois dans tout le corps, jusqu'au bout des orteils et des mains. Maintenant, vous allez pouvoir bouger un petit peu les orteils, puis les doigts. Puis vous pouvez bouger un peu les épaules. Vous pouvez bâiller si vous avez besoin de bâiller. Vous étirez si vous avez besoin de vous étirer. Vous pouvez bouger de droite à gauche. Quand vous souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux. Frottez un peu vos cuisses. Vous pouvez frotter aussi vos mains, l'une contre l'autre, comme si vous vouliez faire un petit peu de feu avec, et vous les passez sur votre corps, juste pour vous réveiller un petit peu. Maintenant, vous pouvez vous réveiller complètement, reprendre ce que vous allez faire, tout en étant plus serein, plus calme et plus paisible. Et voilà. Et ça marche. Et oui, ça marche. Et on rééquilibre comme ça tout notre système hormonal. Et on se sent vachement bien, vachement détendu. Merci Antoine. Mais de rien, c'est avec plaisir. Pratiquer ceci tous les jours va favoriser beaucoup de choses dans votre corps et on pourra en parler dans d'autres prochaines chroniques. Très bien, le rendez-vous est pris pour la prochaine chronique bien-être. Merci Antoine Joulin. Merci, je rappelle Marlène, que vous êtes sophrologue. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Antoine ? Sur Facebook, à Antoine Joulin Sophrologue, sur mail, et puis sur téléphone aussi, un peu partout. Il y a mon numéro, j'espère, d'Amboise. Voilà. Très bien, merci encore. Mais merci aussi à Radioactive. La chronique bien-être.